wende motoe na timbi sa sota nena amumi opuki dale na koma pana misoni onyo lango endo itukwe tunanikana jana tondie. Petit à petit, l'oiseau ne dort pas d'eau. La moline est au moulin, la moulin est au moulin. La tibi sa santane est au moulin. La moumi d'aller. La coma pana mi sortit. Yo la moine, doi I don't.